Intermède premier, George Bartram à Noël Vanstone, St. Crux, le 4 septembre 1847. Mon cher Noël, deux simples questions pour commencer. Par tout ce qu'il y a de mystérieux, pourquoi vous cachez-vous? Et pourquoi tout ce qui se rapporte à votre mariage demeure-t-il enveloppé d'un impénétrable secret, même aux yeux de vos plus anciens amis? Je suis allé faire enquête dans Aldborough pour tâcher d'y retrouver vos traces, et j'en suis revenu tout aussi bien informé qu'avant mon voyage. Je me suis adressé à votre avocat de Londres, lequel m'a répondu que vous lui aviez interdit de révéler à qui que ce fût le lieu de votre retraite, sans avoir reçu au préalable la permission formelle. Tout au plus ai-je obtenu de lui qu'il me promit d'acheminer les lettres confiées à son entremise. Je vous écris en conséquence. Et prenez-y garde, je compte sur une réponse. Vous demanderez peut-être, grognant comme à l'ordinaire, pourquoi je me permets d'intervenir dans des affaires qui sont vôtres et qu'il vous plaît de tenir secrètes. Il y a, mon cher Noël, un sérieux motif pour que nous entrions en communication avec vous. Vous ne savez point quels événements se sont passés à St. Crux depuis que vous vous êtes sauvé de chez nous pour vous aller marier. Et bien qu'en général je ne sois pas un correspondant fort exact, je me vois forcé de sacrifier aujourd'hui une heure de chasse pour tâcher de vous mettre au courant. Le 23 du mois dernier, nous fûmes dérangés, l'amiral et moi, de notre causerie d'après-dîner et des rasades qui l'alimentent, par la nouvelle qu'une visite imprévue venait de débarquer à St. Crux, et la personne ainsi annoncée qui était-ce à votre avis, Mrs. LeCount. Mon oncle, avec cette galanterie de vieux garçon qui lui fait rendre à tout cotillon des hommages à peu près identiques, sortit immédiatement de table pour aller souhaiter la bienvenue à votre charmante duègne. Tandis que je me débattais à part moi s'il fallait ou non l'accompagner, l'amiral, en m'appelant fort haut, coupa court à mes réflexions. Je courus dans le petit salon, et là, sur le sofa, gisait votre infortunée femme de charge, plus morte que vive, entourée de tous nos domestiques. Elle avait fait le voyage d'Angleterre à Zurich et de Zurich en Angleterre sans s'arrêter nulle part. Aussi semblait-elle, ceci sans la moindre hyperbole, sur le point de rendre l'âme. Je tombai immédiatement d'accord avec mon oncle que la première mesure à prendre était d'envoyer chercher un médecin. Nous expédiâmes un groom à l'heure même et sur la requête de Miss LeCount en personne, nous fîmes sortir toutes les femmes qui nous entouraient. À peine étions-nous seuls, Mrs. LeCount nous étonna par une question singulière. Elle demandait si vous aviez reçu certaines lettres qu'elle vous avait adressées ici, avant de quitter l'Angleterre. Lorsque nous lui dîmes que, d'après vos instructions particulières, cette missive avait dû être expédiée sous double enveloppe à votre ami Mr. Bygrave, elle devint pâle comme une morte. Et quand nous ajoutâmes que vous étiez parti de chez nous en compagnie de ce même Mr. Bygrave, elle joignit les mains et nous regarda d'un air aussi effaré que si la raison l'eût tout à coup abandonné. « Où est maintenant Mr. Noël ?» nous demanda-t-elle ensuite. Il fallut bien lui dire, pour toute réponse, que Mr. Noël ne nous avait fourni là-dessus aucun renseignement positif. Ceci parut l'abasourdir complètement. « Il a couru à sa ruine, » dit-elle. Il est parti avec le plus grand misérable de toute l'Angleterre. Il faut que je le découvre. Il faut, vous dis-je, que je trouve Miss Noël. Si je ne le trouve pas immédiatement, il sera trop tard. Le malheureux sera marié, s'écria-t-elle avec une véritable frénésie. Sur mon honneur et ma parole, vous verrez qu'il sera marié. L'amiral, peut-être un peu légèrement, mais dans les meilleures intentions du monde, lui dit que c'était là chose faite et que vous aviez pris femme. À ces mots, elle poussa un cri à faire trembler les vitres et retomba évanouie sur le sofa. Le médecin, survenu fort à propos, la ressuscita. Mais elle tomba malade le soir même. Son état, depuis lors, ne fait qu'empirer. Et le dernier rapport des médecins constate que la fièvre dont elle a subi les accès paraît devoir envahir son cerveau. Maintenant, mon cher Noël, vous devez savoir que ni mon oncle ni moi ne prétendons nullement nous imposer à votre confiance. Surprise, la va sans dire, du mystère bizarre qui nous dérobe et votre personne et votre mariage. nous ne pouvons vous dissimuler d'un autre côté que votre femme de charge semble avoir quelques puissantes raisons pour envisager Mrs. Noël Vanstone avec des préventions hostiles et une méfiance que cette dame n'a point méritée, nous le croirons volontiers. Quel que soit l'étrange malentendu qui a pu se glisser entre vous et les personnes de votre entourage, c'est là une affaire qui vous regarde seule, du moment où il vous plaît que nous y restions étrangers. Notre mission se borne à vous faire connaître l'opinion du médecin. Sa malade a eu le délire. Il déclare ne pouvoir répondre d'elle si son état actuel se prolonge, et il croit, voyant qu'elle parle toujours de son maître, à l'influence salutaire que votre présence pourrait avoir ici, en supposant qu'il vous fût loisible d'y venir tout de suite, c'est-à-dire avant qu'il soit trop tard. Qu'en dites-vous? Sortirez-vous pour venir à Sainte-Croix des ténèbres qui vous environnent? S'il s'agissait d'une domestique ordinaire, je comprendrais que vous hésitassiez à quitter les délices de votre lune de miel pour faire la démarche qui vous est demandée. Mais rappelez-vous, mon bon camarade, que Mrs. LeCount n'est point une domestique ordinaire. Du vivant de votre père, aussi bien que depuis sa mort, la fidélité, l'attachement de cette femme vous ont fait contracter envers elle une dette sacrée. Et si vous pouvez calmer les anxiétés qui paraissent mener cette malheureuse tout droit aux abîmes de la folie, je crois en bonne vérité que vous lui devez un voyage ici. Comprenez bien que nous n'entendons nullement vous condamner à vous séparer de Mrs. Noël Vanstone. Une si dure extrémité serait parfaitement superflue. L'amiral me charge de vous rappeler que vous n'avez pas au monde un plus vieil ami et que sa maison est à votre femme, comme elle a toujours été à vous. Dans cette ample et compliquée résidence, elle n'a point à redouter le voisinage trop immédiat de l'infirmerie, et nonobstant les excentricités de mon oncle, elle ne méprisera pas, j'en suis bien certain, son amicale invitation. Vous ai-je déjà dit que je suis allé voir dans Aldborough si je pouvais m'y procurer quelques renseignements sur vos faits et gestes? Je ne me donnerais certainement pas la peine de me relire pour le savoir. Si donc je vous l'ai dit, je vous le répète. Par le fait, ce voyage d'Aldborough m'a procuré la connaissance d'une personne que vous connaissez aussi, du moins par ouï-dire. Après avoir inutilement frappé à Seaview, j'allais m'informer de vous à l'hôtel. La déesse du lieu ne put me fournir aucun renseignement, mais aussitôt que j'eus mentionné votre nom, elle me demanda s'il existait entre nous quelques rapports de famille, et quand je lui dis que j'étais votre cousin, elle me raconta qu'il y avait en ce moment à l'hôtel une jeune personne portant aussi le nom de Vanstone, fort inquiète d'une de ses parentes qu'elle ne pouvait retrouver, ajoutant que notre rencontre pouvait aider au succès de ses démarches ou au succès des miennes, si nous nous communiquions le sujet de notre double mission. Je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvait être votre homonyme inconnu, et je lui fis à tout hasard passer ma carte. 5 minutes plus tard, je me trouvais en présence d'une des plus charmantes femmes que mes yeux aient eu la chance de contempler ici-bas. Nos premières explications m'apprirent que mon nom de famille ne lui était point inconnu. Et qui pensez-vous qu'elle était? La fille aînée de mon oncle et du vôtre, la fille d'André Vanstone. Bien souvent j'avais entendu ma pauvre mère parler jadis de son frère André. Je savais aussi la triste chronique de Combraven. Mais nos familles, vous ne l'ignorez pas, ont toujours vécu étrangères l'une à l'autre, et jamais auparavant je n'avais vu ma charmante cousine. Elle a les yeux et les cheveux noirs. Elle a ces façons réservées que j'apprécie toujours chez une femme. Je ne veux pas réveiller ici notre ancienne querelle sur la conduite qu'a tenue votre père à l'égard de ses deux sœurs, ni contester que son frère André se fût mal conduit vis-à-vis de lui. Je reconnaîtrai sans difficulté que les hauteurs morales où il se retrancha dans cette affaire sont inexpugnables pour un pauvre pécheur tel que moi, et je ne nierai pas que mes habitudes prodigues m'enlèvent le droit d'exprimer une opinion quelconque sur l'emploi que les autres peuvent faire de leur argent. Mais avec toutes ces concessions et sous toutes ces réserves, je vous dirai cependant une chose, mon cher Noël, c'est que si vous venez jamais à rencontrer Miss Vanstone l'aînée, je crois pouvoir vous prédire que pour la première fois de votre vie, l'exemple de votre père ne sera plus à vos yeux une règle infaillible. Elle m'a raconté sa petite histoire, la pauvre chère âme, avec toute la simplicité, tout le naturel imaginable. Elle est maintenant placée comme institutrice, et c'est là une seconde tentative, dans une famille que je me trouve connaître, moi qui connais tout le monde. Ce sont des amis de mon oncle qu'il a un peu perdu de vue dans ces derniers temps, les Tyrell de Portland Place, et ils traitent Miss Vanstone avec autant d'égard, autant de bonté que s'il était de leurs parentes. Ils lui ont donné un de leurs vieux domestiques pour l'escorter à Aldborough, et l'objet de ce voyage était bien réellement celui que m'avait indiqué la maîtresse d'hôtel. Il paraît que les désastres de famille ont très fortement impressionné la sœur cadette de Miss Vanstone, que cette jeune personne a quitté ses protecteurs naturels et qu'on est à sa recherche depuis quelque temps. Elle avait été signalée en dernier lieu comme habitant Aldborough et sa sœur aînée, de retour du continent avec les Tyrell, était venue immédiatement s'informer d'elle en cet endroit. Ce fut là tout ce que me dit Miss Vanstone. Elle me demanda si vous ou Miss LeCount auriez, par hasard, quelque chose à lui apprendre de sa sœur. Question qu'elle me fit, je suppose, parce qu'elle connaissait votre dernier séjour dans Aldborough. Je ne pus naturellement la satisfaire sur ce point. Elle n'entrait au reste dans aucun détail, et je ne me serais permis de lui en demander aucun. Tout se réduisit de ma part à travailler, avec tout le zèle imaginable, pour l'aider en ses recherches. La tentative échoua de tout point. Personne ne put nous donner le moindre renseignement. Nous eûmes recours, vous devez bien le penser, au signalement personnel de la belle fugitive, et, ce qui est assez curieux, la seule jeune personne habitant Aldborough en ces derniers temps à laquelle ce signalement put s'adapter était tout précisément celle que vous avez épousée. Sans l'oncle et la tante qu'elle avait, tous les deux sont partis d'Aldborough, je me serais pris à soupçonner que vous avez, sans vous en douter, épousé votre cousine Germaine. Serait-ce donc là le mot de l'énigme que vous nous posez? Allons, allons, ne vous fâchez point. Il faut me passer quelques petites plaisanteries, et je ne saurais m'empêcher d'écrire comme je parle, sans trop m'inquiéter de ce que je dis. La fin de tout ceci, c'est que notre enquête ayant complètement échoué, je suis revenu avec Miss Vanstone et son compagnon jusqu'à la station voisine de cette résidence. À mon prochain voyage à Londres, je pense que j'irai voir les Tyrell. Très certainement, je me suis conduit à l'égard de cette famille avec la plus impardonnable négligence. Me voici au bout de ma troisième feuille de papier. Il ne m'arrive pas souvent de prendre la plume, et vous conviendrez avec moi que lorsque je m'y décide, je ne suis pas pressé d'en finir. Du reste, faites de ma lettre le cas que vous voudrez, mais réfléchissez à ce que je vous ai dit au sujet de Miss LeCount, et n'oubliez pas que la question de temps est ici fort essentielle. À vous pour toujours. George Bartram. Intermède deuxième, Nora Vanstone à Miss Garth, Portland Place. Ma chère Miss Garth, nouveau chagrin, nouveau désappointement. J'arrive en ce moment même d'Aldborough et je n'ai fait aucune des découvertes espérées. Magdalen est encore perdue pour nous. Je ne puis attribuer cette nouvelle déconvenue à aucun manque de persévérance et de pénétration dans la manière dont les informations nécessaires ont été prises. Mon inexpérience en pareille matière a été assistée, à l'improviste et avec beaucoup de bonté, par Mr. George Bartram, qu'une singulière coïncidence amenait à Aldborough où il cherchait à retrouver Mr. Noel Vanstone au moment où je m'y trouvais moi-même, occupé à recueillir des renseignements sur Magdalen. Il m'a fait passer sa carte et, m'apercevant, à son nom, que j'avais affaire à un cousin, si tant est que je puisse l'appeler ainsi, j'ai pensé qu'il n'y aurait aucune inconvenance à le voir et à lui demander ses conseils. Je me suis abstenu, dans l'intérêt de Magdalen, d'entrer dans aucun détail. Je n'ai fait notamment aucune allusion à cette lettre de Miss LeCount dont vous avez, en mon lieu et place, tracé la réponse. Je dis seulement à Mr. Bartram que nous ignorions où était Magdalen et que nos derniers renseignements nous l'indiquaient comme ayant traversé Aldborough. Je ne saurais dire avec quelle bonté il se mit à ma disposition. Sans se prévaloir de ma triste situation, il m'a traité avec une délicatesse et un respect dont le souvenir reconnaissant survivra longtemps chez moi, au souvenir que lui-même gardera sans doute de notre rencontre. Il est très jeune et n'a pas, j'imagine, plus de 30 ans. Son visage et sa taille m'ont un peu rappelé le portrait de mon père que nous avions à Combraven. Je parle de ce portrait encastré dans les lambris de la salle à manger et qui représente mon père encore jeune homme. Si vaine qu'aient été nos recherches, un de leurs résultats a laissé sur mon esprit l'impression la plus bizarre et la plus choquante. Il paraît que Mr. Noel Vanstone a récemment épousé, dans des circonstances assez mystérieuses, une jeune personne nommée Miss Bygrave, qu'il avait rencontrée à Aldborough. Il est parti avec sa femme, sans instruire personne, si ce n'est son agent légal, de l'endroit où il sortirait. J'ai appris ceci de Mr. George Bartram, qui cherchait à retrouver ses traces afin de lui faire savoir la maladie de sa femme de charge, laquelle est cette même Miss LeCount à qui vous répondit en mon nom. Jusque-là, direz-vous peut-être, il n'y a rien qui doive intéresser particulièrement aucune de nous, mais vous serez, je pense, aussi surprise que je l'étais moi-même, quand je vous dirai que le signalement de Miss Bygrave, tel qu'il nous a été donné par les gens d'Aldborough, se rapporte de la manière la plus frappante et la plus inexplicable à celui de Magdalene. Cette découverte, rapprochée de toutes les circonstances que nous connaissons, a eu sur mon esprit une influence dont je ne saurais vous rendre compte, car je n'ose pas m'en demander compte à moi-même. Je vous en prie, venez me trouver. Jamais mes inquiétudes au sujet de Magdalene n'ont été si vives. L'incertitude et la crainte doivent m'avoir singulièrement énervé. J'attache maintenant aux moindres minuties une importance superstitieuse. Par cela seul que le nom de Mr. Noel Vanstone s'y trouve mêlé, cette ressemblance fortuite d'une inconnue à notre pauvre Magdalene me remplit par moments des plus horribles appréhensions. Venez me trouver, je vous le demande encore une fois. J'ai tant et tant à vous dire que je ne puis, que je n'ose confier au papier. Votre bien reconnaissante et bien affectionnée, Nora. Intermède troisième, Mr. John Loscombe, avocat, à George Bartram, Esquire, Lincoln's Inn, Londres, le 6 septembre 1847. Monsieur, permettez-moi de vous accuser réception de votre billet, contenant une lettre adressée à mon client, Mr. Noel Vanstone, et me priant d'acheminer la dite lettre à l'adresse actuelle de Mr. Vanstone. Depuis que j'ai eu le plaisir de communiquer avec vous, pour la dernière fois sur ce même sujet, ma position vis-à-vis de mon client se trouve radicalement modifiée. Il y a 3 jours, j'ai reçu de lui une lettre, manifestant son intention de changer de résidence le lendemain même du jour où il m'écrivait. Mais cette lettre me laisse absolument ignorer le nom de la localité où il entendait se transporter. Depuis lors, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et comme il avait préalablement tiré sur moi pour une somme plus considérable qu'à l'ordinaire, je ne le vois pas obligé de m'écrire à nouveau, dans un délai très prochain, en supposant que son désir soit de taire à tout le monde, y compris votre serviteur, le nom de la résidence qu'il a choisie. Dans ces circonstances, je crois à propos de vous retourner votre lettre, en vous promettant, si je me trouve à même de la transmettre à son destinataire, que je vous le ferai savoir immédiatement. Votre très obéissant John Loscombe. Intermède quatrième, Nora Vanstone à Miss Garth, Portland Place. Ma chère Miss Garth, oubliez la lettre que je vous écrivis hier et tous les sinistres présages dont elle vous entretenait. Le courrier de ce matin m'a rendu la vie. Je viens de recevoir une lettre qu'on m'avait adressée chez vous et qui, en votre absence dans la journée d'hier, m'a été renvoyée par votre sœur. Devinez qui l'a écrite. C'est Magdalene. Cette lettre est fort courte. Elle semble avoir été tracée à la hâte. Magdalene me dit qu'elle a rêvé de moi plusieurs mois de suite et que ses rêves lui ont fait craindre de m'avoir causé, par son silence, plus de soucis que je n'en devrais concevoir à son sujet. Elle m'écrit en conséquence pour m'assurer qu'elle est en bonne santé, qu'elle compte me voir avant peu et qu'elle aura quelque chose à me dire lors de cette rencontre qui mettra ma tendresse de sœur à une épreuve comme elle n'en a pas encore subi. La lettre n'est pas datée, mais le timbre de la poste est à Allonby, et en consultant l'almanach de géographie, j'ai constaté qu'Allonby est un petit port de mer sur la côte du Cumberland. Je n'ai aucun moyen de répondre, car Magdalene m'annonce expressément qu'elle est sur le point de quitter sa résidence actuelle, et n'est libre ni de me dire où elle va, ni de laisser derrière elle des instructions qui permettent de lui faire passer mes lettres. Dans des temps plus heureux, J'aurais trouvé une lettre pareille bien peu faite pour me satisfaire. J'aurais surtout conçu de graves alarmes devant cette allusion à la confidence qu'elle doit me faire, et qui doit mettre, dit-elle, ma tendresse de sœur à une si rude épreuve. Mais après toutes les anxiétés par lesquelles j'ai passé, le bonheur de revoir son écriture semble me remplir le cœur et en exclure tout autre sentiment. Je ne vous envoie pas sa lettre, sachant que vous viendrez bientôt me trouver et voulant me procurer le plaisir de vous la voir lire sous mes yeux. Votre bien affectionné à toujours, Nora. P.S. Mr. George Bartram est venu aujourd'hui chez Mrs. Tyrell. Il a demandé à voir les enfants. Après son départ, Mrs. Tyrell, qui a l'humeur gaie, s'est amusée à me dire en riant que ce désir de voir les enfants lui semblait un peu suspect, et qu'il s'agissait de moi plutôt que d'eux. Vous vous ferez une idée de l'amélioration survenue dans mon état moral en me voyant employer ma plume à vous écrire de pareilles absurdités. Intermède 5e, Mrs. LeCount à Mr. de Blériot, agent général à Londres, St. Crux, le 23 octobre 1847. Mon cher monsieur, j'ai tardé longtemps à vous remercier de la bonne lettre par laquelle vous me promettiez assistance en raison du souvenir amical que vous ont laissé les relations commerciales établies jadis entre mon frère et vous. La vérité est qu'au sortir d'une longue et dangereuse maladie, j'ai abusé de mes forces renaissantes, et pendant les 10 jours qui viennent de s'écouler, je me suis vu sous le coup d'une rechute. Mon rétablissement actuel est assez avancé pour me permettre de vous indiquer en quelle affaire vos bons offices pourraient m'être utiles. La personne dont il est fort essentiel pour moi que je parvienne à découvrir le séjour est Mr. Noel Vanstone. Depuis bien des années, j'étais au service de ce gentleman à titre de femme de charge. Et n'ayant jamais reçu mon congé en bonne forme, je me considère comme faisant encore partie de sa maison. Pendant mon voyage sur le continent, il s'est marié secrètement à Aldborough, dans le comté de Suffolk, le 18 août dernier. Il a quitté Aldborough le même jour, emmenant sa femme avec lui dans une retraite dont personne n'avait le secret, si ce n'est son avocat, Mr. John Loscombe, de Lincoln's Inn. Peu de temps après, le 4 septembre, il a de nouveau plié bagages et cette fois, sans informer Mr. Loscombe du nouvel endroit où il allait se fixer. De cette dernière date au jour où je vous écris, l'avocat est resté, il le prétend du moins, dans la plus complète ignorance relativement à ce sujet. Formellement requis de faire au moins connaître la résidence antérieure de son client, Mr. Loscombe, qui ne saurait contester l'avoir connu, refuse néanmoins de répondre, n'ayant pas la permission formelle de son client pour rien révéler de ce qui concerne ce dernier à partir de son départ d'Aldborough. Je tiens tous ces derniers détails de la personne même qui est entrée en correspondance avec Mr. Loscombe. C'est le neveu du propriétaire de ce château, le digne gentleman sous le toit duquel j'ai trouvé asile pendant la rude épreuve que la maladie vient de m'infliger. J'estime que les motifs pour lesquels Mr. Noel Vanstone se tient ainsi caché avec sa femme se rapporte exclusivement à moi. Il sait, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles il a contracté mariage me donnent le droit de le regarder avec une légitime indignation. Il sait aussi que mes fidèles services, prodigués à son père et à lui pendant une 20aine d'années, ne lui permettent pas, sans manquer à la décence la plus vulgaire, de me livrer au hasard de la vie sans avoir au préalable assuré mon avenir. Or, c'est l'âme la plus basse que je connaisse, de même que sa femme est la plus vile créature de l'univers. Aussi longtemps qu'il pourra se soustraire à l'accomplissement de ses obligations envers moi, il le fera sans aucun doute. Et les encouragements de sa femme ne lui manqueront certainement pas pour le pousser dans cette voie d'ingratitude. Le but que je me propose en cherchant à le retrouver est sommairement celui-ci. Son mariage l'expose à des conséquences devant lesquelles reculerait un homme 10 fois plus brave que lui. De ces conséquences, il ne connaît pas le premier mot. Sa femme, qui les connaît, le maintient dans cette heureuse ignorance. Moi, qui les connais aussi, je prétends l'éclairer. Seul au monde, je puis le préserver du danger qui le menace. Mais il me payera sa rançon en acquittant jusqu'au dernier farthing la dette que son père et lui en contractant vers moi. Je veux cela et ne veux rien de plus. Ainsi que vous me l'aviez demandé, je vous ai mis complètement au courant de toutes mes pensées. Vous savez pourquoi je désire trouver cet homme et ce que je prétends faire quand je l'aurai trouvé. Je laisse à la sympathie que vous avez pour moi le soin de résoudre la grave question de savoir comment on peut arriver à une pareille découverte. Si l'on parvenait à trouver une première piste de ces gens-là, postérieure à leur départ d'Aldborough, j'estime qu'une enquête un peu soigneuse suffirait au reste de la besogne. Les brillandeurs de la femme et le contraste frappant qu'ils offrent avec ceux de son mari doivent nécessairement les faire remarquer de toute personne qui les voit pour la première fois et lui laisser d'eux un souvenir durable. Quand vous me ferez l'honneur de me répondre, veuillez adresser votre lettre aux soins de l'amiral Bartram, St. Crux in the Marsh, près d'Ossory, Essex. Votre très obligé, Virginie LeCount. Intermède 6e, Monsieur de Blériot à Miss LeCount, secrète et confidentielle. Dark's Building, Kingsland, le 25 octobre 1847. Ma chère dame, je me hâte de répondre à votre honoré en date de samedi. Les circonstances m'ont permis de servir vos intérêts en consultant un de mes amis, lequel possède beaucoup d'expérience dans la direction des recherches particulières en tout genre. J'ai placé sous ses yeux votre exposé de situation, sans faire mention des noms, cela va de soi, et je suis heureux de vous informer que mes vues concordent parfaitement avec les siennes sur la marche qu'il convient d'adopter. Nous sommes d'avis, mon ami et moi, que rien ne peut nous mettre sur la trace des personnes en question, à moins qu'on ait préalablement découvert l'endroit où ils ont fait un séjour temporaire, immédiatement après leur départ d'Aldborough. Si l'on peut en arriver là, le plus tôt sera le mieux. D'après votre lettre, il s'est déjà écoulé quelques semaines depuis que l'avocat a été informé qu'ils avaient quitté cette première résidence. Puisque l'extérieur de tous deux est remarquable, les étrangers qui ont pu être appelés à les assister en leur voyage ne les ont probablement pas encore oubliés. Malgré tout, il est désirable qu'on se hâte. La question que vous devez envisager est celle de savoir s'il n'est pas possible qu'ils aient communiqué à quelque autre personne que l'avocat l'adresse dont nous avons besoin. Le mari peut avoir écrit à quelques membres de sa famille. La femme est dans le même cas. Mon ami et moi sommes d'avis que cette dernière chance est la plus probable des deux. Si vous avez quelques moyens de pratiquer la famille de la femme, nous vous recommandons énergiquement de les employer. Sinon, veuillez nous fournir les noms de toutes les personnes que vous pouvez connaître parmi ses parents les plus proches ou ses amis les plus intimes. Nous essaierons de vous ménager les moyens d'arriver à elle. Dans tous les cas, veuillez nous fournir le signalement le plus exact qu'on puisse tracer par écrit de ces deux personnages. Nous pouvons avoir à vous demander d'un instant à l'autre ce document important. Soyez donc assez bonne pour nous l'envoyer courrier par courrier. D'ici là, nous tâcherons de nous assurer de notre côté s'il est absolument impossible de se procurer quelques renseignements secrets au bureau de Mr. Loscombe. L'avocat lui-même est fort probablement inaccessible à toute tentative de ce genre. Mais si quelqu'un de ses clercs donnait ouverture à une négociation avantageuse, dont les conditions ne dépasseraient pas vos facultés pécuniaires, soyez assurée, ma chère dame, qu'il sera tiré parti de cette circonstance par votre fidèle serviteur, Alfred de Blériot. Intermède 7e, Mr. Pendrill à Nora Vanstone, Cecil Street, le 27 octobre 1847. Ma chère Miss Vanstone, une dame nommée LeCount, jadis attachée au service de Mr. Noel Vanstone en qualité de femme de charge, est venue ce matin à mon bureau et m'a sollicité de lui faire connaître votre adresse. Je l'ai priée de permettre que je ne fisse pas immédiatement droit à sa requête et de m'honorer demain matin d'une visite nouvelle où il me serait permis de lui donner une réponse définitive. Mon hésitation en cette matière ne provient d'aucune méfiance personnelle à l'égard de Miss LeCount, car je ne sais rien au monde qui doive me prévenir contre elle. Mais en m'adressant sa requête, elle assignait comme motif à son désir de vous voir le besoin qu'elle avait de vous entretenir secrètement au sujet de votre sœur. Je dois vous avouer que, ceci entendu, je me suis décidé immédiatement à refuser provisoirement votre adresse. Vous le pardonnerez à un vieil ami qui vous a toujours souhaité les meilleures chances possibles. Vous ne m'en voudrez pas non plus si j'exprime ici ma désapprobation formelle de toute démarche qui, sous quelque prétexte que ce fût, vous impliquerait à l'avenir dans les faits et gestes de votre sœur. Je n'entends nullement vous affliger en insistant sur ce point, mais je m'intéresse trop profondément à votre bien-être, et la patience avec laquelle vous avez supporté tant d'épreuves m'inspire trop d'admiration pour que je n'aille pas jusque-là. Si je ne puis vous faire accepter mon avis, vous n'avez qu'à dire et Miss Lecount saura votre adresse dès demain. Dans cette hypothèse, que je ne puis envisager sans une vive répugnance, laissez-moi vous recommander tout au moins de stipuler que Miss Garth sera présente à l'entrevue. En toute affaire où votre sœur se trouve intéressée, vous pouvez avoir besoin que les avis et la protection d'une ancienne amie vous mettent en garde contre vos généreuses impulsions. S'il m'eût été permis de la remplacer en cette occasion, je m'y serais offert bien volontiers. Mais Miss Lecount m'a fait comprendre indirectement que le sujet à traiter était d'une nature trop délicate pour qu'on me permît d'assister à la conférence. Quel que puisse être, en ce qui me concerne, le mérite de cette objection, elle ne saurait s'appliquer à Miss Garth, qui vous a élevé toutes deux dès votre plus tendre enfance. Je le répète donc, si vous devez voir Mrs. Lecount, ménagez-vous la présence et l'appui de Miss Garth. Toujours à vous, en toute sincérité, William Pendrell. Intermède 8e, Nora Vanstone à Mr. Pendrell, Portland Place, mercredi. Cher Monsieur Pendrell, ne me supposez pas, je vous prie, insensible à toutes vos bontés. En vérité, en toute vérité, vous me feriez tort. Mais il faut que je voie Miss Lecount. Vous ignoriez, en m'écrivant, que j'avais reçu de Magdalene quelques lignes par lesquelles, sans m'apprendre où elle est, elle me fait espérer que nous nous verrons avant peu. Peut-être Miss Lecount aura-t-elle quelque chose à m'apprendre sur ce sujet-là même qui me tient si fort au cœur. En fût-il autrement, ma sœur, quoi qu'elle fasse, est toujours ma sœur. Je ne saurais l'abandonner. Je ne saurais tourner le dos à qui se présente chez moi de sa part. Vous le savez, cher Monsieur Pendrell, j'ai toujours été sur ce chapitre d'une obstination désespérante. Et cette obstination, vous l'avez toujours supportée. Laissez-moi contracter envers vous une obligation qui me constituera votre débitrice à tout jamais. Passez-moi cette nouvelle marque d'entêtement. Faut-il ajouter que j'accepte de grand cœur cette portion de vos conseils relative à l'intervention de Miss Garth? Je lui ai déjà écrit pour la prier de vouloir bien se trouver ici demain à 4 heures de l'après-midi. Quand vous verrez Miss Lecount, veuillez l'avertir que Miss Garth sera des nôtres et qu'elle nous trouvera toutes deux disposées à la recevoir ici même demain à partir de 4 heures. Votre bien reconnaissante, Nora Vanstone. Intermède 9e, Mr. de Blériot à Miss Lecount. Particulière. Dark's Building, 28 octobre. Ma chère dame, un des clercs de Mr. Loscombe, s'étant trouvé accessible à une petite tentation pécuniaire, nous a fait part d'une circonstance dont la révélation pourrait vous être utile. Il y a environ un mois que le hasard fournit au clerc en question l'occasion de parcourir très sommairement l'un des documents rangés sur le bureau de son patron, document qui avait attiré son attention par je ne sais quelle particularité dans la forme et la couleur de l'enveloppe. Il eut à peine le temps, l'absence de Mr. Loscombe n'ayant duré qu'un moment, de satisfaire sa curiosité en jetant un coup d'œil sur le commencement et la fin de cet acte. Au début, il trouva le préambule usité pour les testaments. À la fin, il découvrit la signature de Mr. Noel Vanstone, accompagnée de celle des deux témoins que prescrit l'usage. La date, dont il se croit à peu près certain, est celle du 30 septembre dernier. Avant que le clerc eût le temps de pousser plus loin ses investigations, son patron revint, classa les papiers épars sur le bureau et mit soigneusement sous clé le testament, dans le coffre spécialement destiné à renfermer les papiers d'affaires de Mr. Noel Vanstone. On s'est assuré qu'à la fin de septembre, Mr. Loscombe s'est absenté de son bureau. S'il était alors occupé à surveiller la rédaction de l'acte testamentaire que son client paraît avoir fait, rien au monde n'exclut cette supposition. Il s'ensuit clairement qu'après la translation du 4 septembre, La nouvelle adresse de Mr. Vanstone n'était plus un secret pour lui, de telle sorte que si de votre côté vous ne voyez jour à aucune démarche utile, nous pouvons nous proposer, nous, d'exercer sur l'avocat une surveillance assidue. Dans tous les cas, il est bien certain que Mr. Vanstone a fait son testament depuis qu'il est marié. Je vous laisse attirer les conclusions qui découlent de ce fait, et dans l'espoir que nous aurons bientôt de vos nouvelles, je demeure, comme toujours, votre fidèle serviteur, Alfred de Blériot. Intermède 10e, Miss Garth à Mr. Pendril, Portland Place, le 28 octobre. Mon cher monsieur, Mrs. LeCount vient de nous quitter. S'il n'est pas trop tard pour former des vœux, je souhaiterais, et du fond de mon cœur, que Nora, se rendant à vos conseils, eût refusé de la voir. Je vous écris dans une telle détresse d'esprit que je ne puis espérer de vous donner un compte-rendu de cette conférence tant soit peu clair et complet. Je me bornerai donc à vous dire brièvement ce qu'a fait Mrs. LeCount et dans quelle situation nous nous trouvons présentement. Je remets le surplus au moment où je serai plus calme et où je pourrai communiquer personnellement avec vous. Vous vous rappellerez sans doute ce que je vous ai appris dans le temps de la lettre datée d'Alborough que Mrs. LeCount avait adressée à Nora, et à laquelle je dus répondre en l'absence de cette dernière. Dès que Mrs. LeCount s'est trouvée devant nous, aujourd'hui, ses premières paroles nous ont appris qu'elle venait pour traiter avec nous le même sujet. Autant que je puis me le rappeler, voici comment elle a débuté, s'adressant directement à ma chère élève. Je vous écrivis il y a quelque temps, Miss Vanstone, au sujet de votre sœur, et Miss Garth fut assez bonne pour répondre à ma lettre. Les craintes que je manifestais à cette époque se sont vérifiées. Votre sœur a déjoué tous mes efforts pour lui faire obstacle. Elle a disparu en compagnie de mon maître, Mr. Noel Vanstone, et se trouve à l'heure qu'il est aux prises avec une position périlleuse qui peut, d'un instant à l'autre, la plonger dans le déshonneur et la misère. Il est dans mon intérêt de retrouver mon maître. Il est dans votre intérêt de sauver votre sœur. Dites-moi, car les minutes sont précieuses, si vous avez entendu parler d'elle. Nora répondit aussi promptement que sa terreur et son inquiétude le lui permirent. J'ai reçu une lettre, effectivement, mais elle ne portait aucune adresse. N'y avait-il aucun timbre sur l'enveloppe ? Demanda Miss LeCount. Si, répondit Nora. Allenby. Allenby vaut mieux que rien, dit Mrs. LeCount. Allenby peut nous servir à retrouver sa trace. Où est Allenby ? Nora le lui dit. Tout cela n'avait pas pris plus d'une minute. Mon trouble, mon émotion m'avaient empêché d'intervenir plus tôt, mais je m'étais assez calmé pour que cela fût désormais possible. Vous n'êtes entré dans aucun détail, lui dis-je. Vous vous êtes borné à nous effrayer sans nous rien dire de positif. Vous allez, madame, connaître tous les détails, répliqua Mrs. LeCount, et vous jugerez ainsi que Miss Vanstone si je vous ai fait peur sans motif suffisant. Là-dessus, elle entra immédiatement dans un long récit que je ne puis, que je n'ose pas, devrais-je dire, répéter ici. Vous comprendrez assez l'horreur où il nous plongea quand je vous en aurai fait connaître le dénouement. S'il faut se fier aux assertions de Mrs. LeCount, Magdalene a poussé sa folle résolution de recouvrer la fortune de son père jusqu'aux dernières, aux plus aventureuses extrémités. Elle a épousé, sous un faux nom, le fils de Michel Vanstone. Son mari est encore persuadé en ce moment que son nom de fille était Bygrave et qu'elle est réellement la nièce d'un misérable devenu le complice de cette odieuse imposture. D'après la description qu'on m'a faite de ce personnage, il m'est impossible de ne pas reconnaître en lui le capitaine Rake. Je vous épargne l'aveu que nous fit tranquillement Mrs. LeCount en se levant pour prendre congé, des motifs mercenaires qui l'a poussé à chercher son maître pour dessiller ses yeux. Je vous épargne les insinuations qu'elle hasarda sur le but que poursuivait Magdalene en contractant ce mariage infâme. L'unique objet de ma lettre est de vous appeler à mon aide pour calmer les angoisses d'esprit qui tourmentent Nora. Le choc qu'elle a subi en écoutant ce qu'on lui disait de sa sœur n'est pas le pire résultat de l'incident survenu. Elle s'est persuadée que ses réponses candides, arrachées à sa douleur par les questions de Mrs. LeCount au sujet de la lettre, réponses imprudentes qu'elle n'a pu retenir dans un premier moment de trouble et d'effroi, peuvent être tournées au préjudice de Magdalène par la femme qui est venue ainsi, de propos délibérés, l'agiter et la mettre hors de garde. Pour empêcher de sa part quelques mesures désespérées, mesures qui l'auraient exposée à perdre l'amitié, la protection des gens excellents chez lesquels elle est maintenant, il m'a fallu lui rappeler que si Mrs. LeCount retrouve les traces de son maître au moyen du timbre placé sur la lettre, nous pouvons en même temps, et par les mêmes moyens, retrouver les traces de Magdalène. Quelques objections que vous puissiez voir personnellement aux efforts que nous ferions de nouveau pour venir en aide à cette malheureuse jeune fille, efforts qui ont si déplorablement avorté dans la ville d'York, je vous supplie, pour l'amour de Nora, d'adopter maintenant les mêmes mesures que nous prîmes alors. Envoyez-moi la seule assurance qui puisse la calmer, l'assurance signée de vous que les recherches de notre côté sont commencées. Si vous consentez à ceci, vous pouvez compter sur moi pour me placer le moment venu entre ces deux sœurs ou pour défendre à tout prix le repos, la bonne renommée, la prospérité future de Nora. Très sincèrement à vous, Harriet Garth. Intermède 11e. Mrs. LeCount à Mr. de Blériot, le 28 octobre. Cher monsieur, j'ai trouvé la trace dont vous aviez besoin. Mrs. Noel Vanstone a écrit à sa sœur. La lettre n'indique aucune adresse, mais le timbre de la poste est celui d'Allenby, Cumberland. C'est par conséquent d'Allenby que les recherches doivent partir. Vous avez déjà le signalement personnel, tant du mari que de la femme. Je vous recommande instamment de ne pas perdre une minute de plus qu'il ne sera indispensable. S'il est possible d'expédier quelqu'un dans le Cumberland aussitôt cette lettre reçue, je vous supplie de n'y pas manquer. J'ai encore, avant de terminer ma note, à vous dire un mot de plus sur la découverte faite dans le bureau de Mr. Loscombe. Je ne suis nullement étonné d'apprendre que Mr. Noel a fait son testament depuis qu'il est marié. Je ne suis pas embarrassé non plus de deviner en faveur de qui dispose cet acte mortuaire. Mais si je réussis à retrouver mon maître, nous verrons comment cette personne s'y prendra pour avoir l'argent sur lequel elle compte. Une marche à suivre dans cette affaire s'est offerte à mon esprit depuis la réception de votre dernière lettre. Mais mon ignorance des détails techniques et des complications de la loi me laisse encore dans le doute, et je ne sais si mon idée peut se réaliser d'une manière prompte et certaine. Je me rendrai à votre bureau demain vers 2 heures, afin de vous consulter à ce sujet. Il est fort important, lorsque je reverrai Mr. Noel Vanstone, qu'il me trouve préparé d'avance à discuter de tout point cette affaire de testament. Votre très obligée servante, Virginie LeCount. Intermède 12e. Mr. Pendrell à Miss Garth. Searle Street, le 29 octobre. Chère Miss Garth, je n'ai qu'un moment pour vous témoigner le chagrin que m'a causé votre lettre. Les circonstances dans lesquelles vous m'adressez votre requête et les motifs que vous lui assignez suffisent pour détruire toutes les objections que j'aurais faites sans cela au plan que vous proposez. Une personne digne de confiance et à qui j'ai moi-même donné ces instructions partira aujourd'hui pour Allenby, et dès que j'aurai reçu quelques nouvelles de sa mission, je vous les communiquerai aussitôt par voie de message spécial. Dites ceci à Miss Vanstone, et veuillez y ajouter l'expression sincère de ma sympathie et de mon respect. Tout à vous, bien cordialement, William Pendrell. Intermède 13e. Mr. de Blériot à Mrs. LeCount, à Dark's Buildings, le 1er novembre. Ma chère dame, j'ai le plaisir de vous informer que notre découverte a été faite, et beaucoup plus facilement que je ne l'avais espéré. On a suivi les traces de Mr. et Mrs. Noel Vanstone jusqu'au détroit de Solway, qu'ils ont traversé pour se rendre à Dumfries, et de là jusqu'à un cottage situé à quelques milles de cette ville, sur les bords de la Nith. L'adresse exacte est Balliol Cottage, près Dumfries. Ce renseignement, qui n'a point donné lieu à des recherches trop ardues, a été obtenu néanmoins dans des circonstances assez particulières. Avant de quitter Allenby, mes agents ont découvert, non sans étonnement, qu'un étranger s'y trouvait, s'occupant d'une enquête identique à la leur. En l'absence de toute instruction qui leur eût fait pressentir une telle occurrence, ils envisagèrent ce détail à leur point de vue particulier. Prenant l'homme en question pour un intrus, dont le succès pourrait leur enlever le mérite et la récompense de la découverte à faire, ils profitèrent de leur supériorité numérique et aussi de leur présence antérieure sur le théâtre de la lutte, pour égarer l'étranger avant de suivre eux-mêmes le cours de leurs investigations. J'ai tout le détail des procédés qu'ils employèrent, mais je me garderai bien de vous en fatiguer. Le dénouement a été que la personne en question, n'importe qui elle peut être, fut adroitement dirigée sur une fausse piste vers le midi d'où elle venait avant que mes agents se décidassent à traverser le détroit. Je mentionne cette circonstance par la raison que vous pouvez être mieux à portée que moi d'en conjecturer l'origine et aussi parce que vous y pouvez voir un motif de hâter le voyage par vous projeter. Votre dévoué serviteur, Alfred de Blériot. Intermède 14e. Mrs. LeCount à Mr. de Blériot, le 1er novembre. Mon cher monsieur, un mot pour vous dire que votre lettre m'est parvenue en mon logement de Londres. Je crois savoir par qui a été expédiée la personne qu'on a trouvée prenant des renseignements à Allenby, mais peu importe. Avant que cet homme ait découvert son erreur, je serai rendu à Dumfries. Mes bagages sont prêts, et le premier train qui va partir m'emportera vers le nord. Votre bien particulièrement obligé, Virginie LeCount.